Cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nuit noire et rouge micro, des voix dans la nuit, la radio nocturne. Vous vous souvenez de cet homme qu'on avait vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. Cet homme avait dans les bottes des montagnes de questions et surtout, la nuit, il mentait. Il prenait des trains à travers la plaine, il s'en lavait les mains. Cet homme était bien sûr Alain Bachung, La nuit je mens. La radio, elle, la nuit, s'épanouit. Le pop club, Allo Macha, les nocturnes, les nuits magnétiques. L'histoire de la radio nocturne pose aussi des montagnes de questions où subsiste encore son écho, celui de la radio la nuit. Bonjour Marine Beccarelli. Bonjour Xavier Mauduit. Dites-nous, l'histoire de la radio ne commencerait-elle pas la nuit, au sens où, dès les origines, la nuit est un moment très particulier pour l'histoire de la radio? Oui, on pourrait peut-être dire ça, parce qu'en effet, le moment nocturne permet, en fait c'est une propriété physique qui fait que dans l'obscurité, les ondes radiophoniques, les ondes électromagnétiques se propagent plus loin. Donc dès les origines de la radiodiffusion, dès le début du XXe siècle, on a eu des radios amateurs, des sans-filistes amateurs qui choisissaient le moment nocturne pour se mettre au sommet de collines parfois et pour essayer de capter des émissions lointaines, des émissions de l'étranger. C'était une manière de voyager, voilà, de capter ces voix étrangères qu'on comprenait pas forcément, mais c'était un peu le jeu. Et c'était la nuit qui permettait ce voyage. Oui, parce que techniquement, c'est vrai, vu que tout cela est une histoire d'ondes, la nuit est un peu plus propre pour faire passer les ondes, c'est ça? Oui, alors je suis pas spécialiste vraiment de physique, mais en tout cas, il y a moins de bruit atmosphérique. Enfin, l'atmosphère est davantage libre pour laisser passer les ondes qui se propagent plus loin. Donc c'est l'absence de bruit industriel notamment, et aussi l'obscurité. L'obscurité permet à ces ondes d'aller davantage plus loin. Jusqu'à nos oreilles. Marine Beccarelli, vous publiez Micro de nuit, histoire de la radio nocturne en France. Ah, il y a des dates, 1945-2012, c'est toujours important de donner le cadre chronologique. Dans l'histoire de la radio, effectivement, nous en avons parlé déjà dans le cours de l'histoire sur des émissions écoutées à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. La radio n'était pas une radio en continu dans la journée déjà, c'était une heure par-ci, une heure par-là. Qu'en est-il de la radio la nuit? Il faut attendre longtemps pour entendre des émissions la nuit à la radio? Oui, alors en fait, donc le livre commence en 1945, mais la vraie naissance de la radio d'après minuit, c'est 1955, 10 ans plus tard. J'ai choisi de commencer en 1945 pour étudier en fait les émissions tardives, qui étaient justement celles sur lesquelles les stations choisissaient de terminer leur programme, qui avaient déjà une dimension nocturne, qui invitait les gens à aller se coucher, les gens à la rêverie. Et en fait, jusqu'au milieu des années 50, il y avait normalement pas d'émissions diffusées après minuit maximum ou après 23h30, ça dépendait des stations. Et sur les stations publiques, les émissions se terminaient avec la Marseillaise. Et ensuite, on n'avait plus de programme. Et la Marseillaise réouvrait les programmes des stations publiques à 7h ou 6h30 du matin. À l'exception de certaines nuits spéciales, donc jusqu'aux années 50, les nuits notamment de Noël ou du réveillon du Nouvel An, ou des nuits politiques particulières, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, où là, les antennes pouvaient exceptionnellement rester ouvertes toute la nuit. Vous évoquez la Marseillaise pour clore les programmes. Pascal Horry, qui livre la préface hein, pour cet ouvrage Micro de nuit, se souvient des vacances de Monsieur Hulot. Effectivement, dans le film des vacances de Monsieur Hulot, eh bien, tout le monde va se coucher après avoir entendu la Marseillaise, le film de Tati, justement. Dans cette évocation de la nuit et de la radio, vous nous le dites bien, Marine Beccarelli, il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que, ça y est, la radio s'installe la nuit de manière, on va dire, normale. Ça devient presque une habitude. Pourtant, auparavant, il y a déjà eu de la radio la nuit. Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Ici Londres. Vous allez entendre les informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le gigot est cuit. Il y aura 4 pains. La cruche n'ira plus à l'eau. Nous disons, la cruche n'ira plus à l'eau. La bibliothèque est en feu. Nous disons, la bibliothèque est en feu 2 fois. Quelques messages venus de Londres en 1941. Marine Beccarelli, effectivement, hein, la radio la nuit, alors pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être aussi un petit peu avant, n'existe que dans des moments exceptionnel. Mais ce moment Seconde Guerre mondiale est important aussi, hein, parce que il y a tout ce jeu de radio la nuit, parce que bah, nous l'entendons bien, c'est pour être le plus discret possible. Il y a aussi des réflexions à faire sur les décalages horaires pour expliquer aussi la radio la nuit. Mais la Seconde Guerre mondiale, c'est important. On se cache pour écouter la radio la nuit. Oui, tout à fait. Donc les Radio Londres, les programmes en français émis depuis la BBC depuis Londres étaient diffusés essentiellement le soir et la nuit. C'était une manière aussi d'échapper plus facilement au brouillage qui était effectué par les Allemands. Donc ces émissions étaient écoutées en cachette sur le territoire français. Et la nuit, c'est le moment aussi davantage propice à cette écoute clandestine. Et à partir de 1942, Radio Londres va même proposer chaque nuit à 3h du matin des journaux en langage morse pour les gens qui pourraient écouter cette émission et qui étaient rediffusés juste après. Et l'idée, c'était que les gens qui pouvaient capter ces émissions la nuit transmettent aussi par bouche à oreille les informations qu'ils entendaient depuis Londres. Et au moment aussi notamment du débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942, la Radio Londres a émis toute la nuit pour donner des informations, tenir au courant du déroulé des événements à la population d'Afrique du Nord. Voilà, cette radio qui naît, la radio de nuit, radio nocturne, qui naît pendant la Seconde Guerre mondiale, on peut le dire, mais pour des raisons très pratiques, très utiles. Ce n'est pas parce que c'est la nuit qui est intéressant, c'est parce que le moment nuit est un moment de discrétion, n'a pas grand-chose à voir avec cette radio nocturne que vous étudiez après la Seconde Guerre mondiale. Vous commencez en 1945, Marine Beccarelli, cette étude. À quel moment peut-on dire qu'il existe une radio de nuit? À quel moment il y a des diffuseurs qui osent ouvrir les micros en pleine nuit? Alors ça va être en 1955, c'est Paris Inter, l'ancêtre de France Inter, qui décide de poursuivre les émissions après minuit. Et l'idée, jusqu'au milieu des années 50, il n'y avait pas de préoccupation, on ne pensait pas tellement aux travailleurs de nuit, aux insomniaques. L'idée, voilà, la majorité des gens sont censés travailler la journée, dormir la nuit, donc on ne pensait pas à ce public potentiel nocturne. Mais à partir du milieu des années 50, Paris Inter pense notamment aux routiers et aux conducteurs automobiles qui conduisent la nuit. On est à un moment du développement du trafic routier et aussi au moment de l'apparition et du développement des autoradios qui permettent d'écouter la radio en conduisant. Donc sur Paris Inter, il y a cette volonté de créer ce programme qui s'appelle Route de nuit à partir de juin 1955, qui est d'abord diffusé de minuit à 3h du matin toutes les nuits. Et l'idée, c'est de tenir compagnie donc aux personnes qui doivent conduire, qui sont obligées de veiller la nuit. Et l'émission propose des informations sur l'état des routes, des informations sur la météo, de la musique, des jeux. Et voilà. Mais on se rend compte que les gens qui écoutent cette émission, en fait, ça va être bien plus large que les seules personnes sur la route. Vous évoquez de la musique. Alors attention, faut pas mettre n'importe quelle musique, parce que si c'est pour tenir les gens éveillés sur la route la nuit, il y a une réflexion autour de ça, de mettre quelque chose qui peut tenir éveillé. Oui, c'est plutôt de la musique enjouée, beaucoup de musique d'accordéon notamment. L'idée, c'est à ce moment-là, on pense pas à offrir une compagnie douce, par exemple, aux insomniaques, aux personnes qui chercheraient à trouver le sommeil, mais au contraire, de permettre aux gens qui doivent veiller la nuit et ceux qui conduisent, qui peuvent être seuls durant de longues heures sur la route, d'avoir quelque chose de plutôt énergique et le ton des émissions, des animateurs et des animatrices qui animent ce programme sont assez énergiques. Eh bien, justement, réglons le poste sur Route de nuit. micro de Route de Nuit, Denise Alberti qui va vous tenir compagnie jusqu'à 3 heures. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Au fait, peut-être devrais-je vous dire bonjour. En tout cas, bonne nuit à vous qui êtes éveillés et qui voulez bien passer quelques instants avec moi. Bonne nuit tout particulièrement à vous qui êtes sur les routes, par obligation, je le sais bien, car personne ne pourrait avoir envie de courir les chemins par un temps pareil pour son plaisir. Bonne nuit à vous tous, à vous toutes qui travaillez. Bonne nuit à vous qui prolongez la veillée avec nous. Solange Renard, en 1959, Route de Nuit. Dites-nous, Marine Beccarelli, c'est quoi la nuit, justement? Parce que c'est compliqué, nous l'entendons dans cette archive. Je ne sais pas si je dois dire bonjour ou bonne nuit. Comment peut-on définir la nuit? Oui, alors la nuit, c'est un moment d'entre-deux, en tout cas une transition entre deux journées, un temps un peu suspendu entre la veille et le lendemain. C'est donc en opposition à la journée, c'est l'espace-temps qui est en dehors de l'espace-temps social majoritaire. La journée, c'est plutôt le moment où les personnes vont évoluer généralement dans la sphère publique. La majorité des individus travaillent le jour. Et la nuit, par opposition, c'est plutôt le moment du repli dans la sphère privée, du sommeil ou du travail de nuit. Mais c'est un moment voilà, où les gens sont davantage seuls. Et effectivement, il y a aussi cette question de est-ce qu'on dit bonjour, est-ce qu'on dit bonsoir? La nuit, c'est aussi le moment où il y a deux types de populations qui peuvent se croiser. D'une part, les noctambules, ceux qui ne se sont pas encore couchés, soit par plaisir, soit parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Et de l'autre côté, les lève-tôt, soit par plaisir aussi, ou soit parce qu'ils travaillent, ils commencent à travailler très tôt le matin. Et la nuit, c'est le moment de rencontre un peu de ces deux populations qui sont dans deux temporalités différentes. Les programmes de nuit s'adressent aussi donc à ces deux types d'auditeurs et d'auditrices. Mais ces programmes de nuit ne couvrent pas l'ensemble de la nuit, c'est-à-dire que nous avons l'idée d'une diffusion éventuellement en continu. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que ça s'arrête à un moment et ça reprend un autre. Comment ça se construit? Alors, dans les premières années de Route de Nuit, donc écrit en 1955, à l'origine, le programme dure 3 heures. Il est diffusé de minuit à 3 heures du matin. Et à 3 heures, on a à nouveau la fin des programmes. Et les émissions ne reprennent qu'au petit matin, à 6 ou 7 heures du matin. Et assez vite, en fait, les animateurs et les animatrices de Route de Nuit, parce que l'émission est 7 jours sur 7, donc c'est toutes les nuits, et chaque nuit animée par une personnalité différente qui se relaie chaque jour de la semaine. Et ces animateurs et animatrices reçoivent beaucoup de courriers d'auditeurs qui réclament en fait une prolongation des émissions encore plus loin dans la nuit. Ils réclament, en fait, on est très heureux qu'il y ait désormais possibilité d'écouter la radio la nuit, des émissions en français avec de la musique, etc. Mais on aimerait que ça ne s'arrête pas. Les boulangers, par exemple, aimeraient bien pouvoir continuer de travailler après 3 heures du matin avec leur radio allumée. Et suite à l'afflux de ce courrier, dont on se rend compte d'ailleurs qu'il y a une très grande diversité de personnes qui écoutent, pas du tout, pas uniquement des routiers ou des conducteurs, pas non plus que des travailleurs de nuit, mais vraiment une palette de personnes différentes, des personnes âgées, des insomniaques, des artistes, des noctambules, etc. Et finalement, 1955, Paris Inter écoute les revendications de ces personnes qui avaient écrit pour réclamer la prolongation des émissions. Et à partir de 1955, Paris Inter ne s'arrête plus et émet 24 heures sur 24. C'est la première station française qui procède ainsi. Justement, avant d'émettre 24 heures sur 24, Marine Beccarelli, qu'est-ce qu'il y avait à la radio au moment où cela s'arrêtait? C'était à la fin du programme, alors un petit coup de Marseillaise. Et puis on attendait le retour des programmes. Entre les deux, c'était quoi? Rien. Du vide? Du vide. Ah ouais, c'est incroyable. Ce n'était même pas la musique qui était là en continu. Parce que cette question qui se pose, ben, si nous pensons à Route de Nuit, est celle du direct. L'émission peut être enregistrée et diffusée après, ou alors en direct. Là, nous sommes sur du direct? Oui, tout à fait. Cette émission en Route de Nuit est vraiment en direct. Il y a cette idée d'accompagnement des auditeurs et la majorité des émissions de nuit qui se créent à partir donc de 55 et dans les années et les décennies qui vont suivre, ça va être des émissions vraiment pensées pour être réalisées en direct dans ce temps particulier de la nuit, qui permettent de placer les animateurs et les animatrices au micro dans la même temporalité et dans le même rythme un peu particulier, un peu à la marge, que les auditeurs et les auditrices. Oui, c'est ça, hein, parce que dans cette radio de nuit, vous nous l'avez dit, Marine Beccarelli, c'est long, C'est pas une émission d'une demi-heure ou d'une heure. Là, nous sommes sur 3 heures. Il faut mettre des choses dedans parce que les informations, c'est bien intéressant. La musique aussi, c'est possible. Qu'est-ce qu'on y met, en fait, dans cette radio? Oui, alors, dans Route de Nuit, c'est vraiment essentiellement de la musique, de la diffusion de disques. Et donc, de l'information sur l'état des routes, la météo, des jeux aussi. Les auditeurs peuvent commencer à pouvoir appeler la radio pour participer à des jeux. Des auditeurs peuvent aussi parfois venir en studio. Il y a notamment des boulangers qui viennent rendre visite aux animateurs de Route de Nuit, au petit matin, etc. Mais au début, c'est vraiment une radio de service, d'accompagnement. Il n'y a pas de programme très élaboré, plus que de la musique et des informations. Il faudra attendre le milieu des années 60 pour qu'il y ait un autre type d'émission qui apparaisse et qui propose du contenu plus lié au moment festif de la nuit. Voilà, et puis il faut rappeler cette radio, alors pas des premiers temps, la radio est née en 1921, mais elle se met à peu en place, et cette radio d'après Seconde Guerre mondiale, alors on la connaît, mais le succès gigantesque, c'est vraiment le moment de réunion de la famille, l'écoute, et en écho à ce qui se passe dans la vie, il y a comme une bonne ambiance à la radio. La radiodiffusion française présente... Une production de Luc Bérimont. La parole est à la nuit. Réalisation Jean Hersant avec... Jacques Bureau. Oui. Jean-Dominique Laurent. Oui, oui. Francis Gastambide. Je suis là. Jean Hersant. Oui. Bon, eh bien, nous allons pouvoir tenir cette petite conférence. Pardon. Allô, allô, Luc Bérimont ? Oui, écoutez, je suis en conférence en ce moment. Ça ne vous ennuie pas de rappeler dans 5 minutes ? D'accord, dans 5 minutes. Merci. Ok, tout de suite, dans 5 minutes, la parole est à la nuit en 1952. Marine Beccarelli, y a-t-il une grande différence entre ce monde de la radio la nuit et le monde de la radio du jour, ne serait-ce que par les gens qui prennent la parole à la radio, par la construction même des émissions? Sommes-nous dans deux univers? Alors évidemment, ça reste de la radio dans les deux cas, mais c'est vrai qu'il y a des rythmes. Déjà, souvent, les émissions peuvent être un peu plus longues et des manières de s'adresser aux auditeurs qui peuvent être plus intimes, plus familières. Et je disais qu'il n'y avait pas de réflexion autre que de la musique la nuit avec Route de Nuit, donc après minuit. Mais en réalité, comme on l'a entendu, il y avait déjà, avant 1955, avant la création de Route de Nuit, tout un tas d'émissions diffusées le soir. La parole est à la nuit, c'était vers 22h. Et des émissions, au contraire, très élaborées, très travaillées, et qui proposaient un peu des explorations du documentaire. Là, dans La parole est à la nuit, le principe, c'était d'essayer d'aller découvrir quelle était la nuit de personnalité et d'enquêter sur la personnalité de telle ou telle vedette de théâtre, ou tel écrivain. Et comme on peut l'entendre, il y avait vraiment un jeu, une mise en scène. Les collaborateurs de radio jouaient le rôle d'enquêteurs. Et c'était une radio élaborée. Donc c'était le spectacle du soir qui pouvait s'écouter en famille. La radio diffusait le soir des pièces de théâtre, des dramatiques, comme vous avez pu un peu l'évoquer dans l'émission d'hier. Mais aussi, donc à partir de minuit, il y avait des émissions, à partir de 22h, pardon, des émissions avec un ton un peu plus décalé, où les émissions s'écoutaient peut-être un peu moins en famille avant d'aller dormir, et qui invitaient justement à plonger dans ce monde un peu mystérieux et un peu à part de la nuit. Il y avait notamment La parole est à la nuit, il y avait les émissions Les nuits du bout du monde de Stéphane Pizzella, qui étaient des invitations au voyage, écrites par cet ancien grand reporter de presse écrite raconter avec sa voix de conteur qui décrivait des paysages du bout du monde et qui invitait les auditeurs avant d'aller dormir au voyage. Et bien justement, Stéphane Pizzella est là par les archives et il nous conduit au voyage. Lorsque pour la première fois sur cette chaîne parisienne, un mardi 17 octobre, le speaker Jacques Lerat vint annoncer les nuits du bout du monde, qu'avez-vous pensé? Que je vous emmènerai dans les cabarets, les boîtes de nuit d'ici ou d'ailleurs? Vous ne pouviez pas savoir où je vous entraînerais. Maintenant, nous avons fait connaissance. Vous savez ce que contiennent les nuits du bout du monde. Vous avez, tout seul, franchi la première étape du chemin. Et vous savez où vous allez, où nous allons ensemble chaque mardi. Je ne sais pas quelle impression vous apporte ma présence chez vous, tout près de vous, au commencement de ces nuits. Ma présence et mes récits. La mienne, en les commençant, c'est que je vous ai pris par la main amicalement et que nous marchons ensemble au hasard de ces nuits et que je ne suis pas seul dans ce studio devant ce micro. La nuit est femme, capricieuse, volage, instable, fidèle, rarement. Ah ben, nous étions en 1950, le 2 décembre, à Stéphane Pizzella, les nuits du bout du monde. Marine Beccarelli, nous entendons un ton particulier et notamment une adresse directe à celui, à celle qui écoute. Je vous prends par la main, c'est plein d'images. C'est comme une conversation en fait entre deux personnes qui se connaissent ou qui se rencontrent, qui construisent une relation. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans les soirées, il y a cette manière de la part des animateurs à l'antenne, en l'occurrence Stéphane Pizzella, tisser ce lien de proximité avec son auditoire. Parfois même il les tutoyait, là c'est pas le cas, mais parfois il tutoyait l'auditeur. Et donc cette manière de prendre par la main amicalement et d'emmener dans un pays un peu différent, un territoire de rêves, d'émotions, d'imaginaire aussi beaucoup. La nuit étant d'ailleurs le moment propice à l'imaginaire, il y a plein d'images qui viennent en tête quand on pense à la nuit de rêve, la nuit de crime, etc. Et la radio, étant un médium sans images, c'est aussi le média idéal pour évoquer des images mentales dans la tête des auditeurs et des auditrices. Et donc les animateurs qui proposent des émissions le soir le savent bien et jouent sur ce potentiel évocateur très fort. Et quand il fait nuit à l'extérieur, quand les auditeurs sont plongés dans l'obscurité, souvent ils sont davantage seuls, ils écoutent voilà, en début de soirée peut-être en famille, mais plus, à partir d'une certaine heure on peut être davantage seul, parfois déjà dans son lit, on écoute les yeux fermés. Et ces émissions, on a l'impression que les animateurs s'adressent directement à nous, et ils en jouent aussi. Donc Stéphane Pizzella le faisait et savait, il utilisait beaucoup de musique dans ses émissions, donc c'était vraiment des récits du bout du monde, avec beaucoup de mise en onde, beaucoup de musique, et qui étaient vraiment des invitations à l'imaginaire et des invitations au voyage. Comment peut-on mesurer la réception de cette radio la nuit, cette radio alors qui avance, qui grignote tout doucement la nuit pour aller de plus en plus tard? Y a-t-il un écho dans les sources que vous avez pu étudier, Marine Beccarelli, dans la presse, etc.? Oui, alors, étudier cette réception de manière quantitative avec des chiffres, c'est assez très difficile parce que pendant longtemps, il n'y avait pas de sondage du moment nocturne, enfin du nombre d'auditeurs qui écoutaient la nuit. En revanche, on peut étudier la réception donc justement dans la presse écrite, donc la réception des critiques de radio, la réception des journalistes, et également via les courriers d'auditeurs, donc qui ont pour certaines émissions été déposés dans des centres d'archives et qui permettent d'approcher cette réception, même si évidemment la majorité des auditeurs écoutant cette radio la nuit n'ont pas écrit aux radios et aux programmes, aux animateurs des programmes qu'ils écoutent. Mais en tout cas, ça permet de saisir ces lettres d'auditeurs, les raisons qui poussent ces personnes à l'écoute de la radio la nuit, qu'est-ce qui leur plaît dans les programmes, qu'est-ce qui leur déplaît peut-être un peu, au contraire. Ben justement, micro de nuit, histoire de la radio nocturne en France, 1945-2012, c'est votre ouvrage, Marine Beccarelli. Vous êtes docteur, c'est issu de votre thèse et c'est admirable à lire. Vous enseignez aussi à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes collaboratrice à France Culture, il faut le dire, pour notamment une série documentaire, Laisse parler les femmes. La suite, bientôt avec les hommes que vous composez avec Léa Capuano, Pauline Chanu et Maïwenn Guizhou, des noms que nous connaissons bien quand nous écoutons France Culture, des noms qui prend un écho. Mais c'est important d'évoquer tout ça parce que pour la radio, il y a cette voix, tout passe par la voix évidemment, il y a cette proximité et la nuit, j'ai presque envie de dire que la proximité est encore plus forte. La nuit, tout de suite, crée un monde à part et même dans la production radiophonique, par définition, les gens du jour ne voient pas ceux de la nuit. Donc on retrouve aussi un peu ce fonctionnement-là. Pour la radio elle-même, la nuit est particulière. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est une radio dans la radio, c'est ce qui revenait souvent quand j'ai réalisé des entretiens avec un certain nombre de professionnels de radio de nuit, à la fois des animateurs, des techniciens, des réalisateurs. Et c'est vrai que le fait de travailler non pas la journée dans les studios de radio fait qu'on croise beaucoup moins les collègues du jour, qu'on est, alors pas forcément marginalisé, mais en tout cas qu'on est un petit peu dans une autre sphère, et le fait d'être moins nombreux dans les couloirs, dans les studios, ça peut créer une convivialité plus grande. C'est ce qui revenait souvent dans les entretiens que j'ai pu mener. Et de la même façon que les auditeurs vont être davantage seuls chez eux à l'écoute de ces programmes, les équipes donc de la nuit sont plus réduites et il y a cette atmosphère un peu particulière de l'un et l'autre côté du poste. Et José Arthur, par exemple, qui était un animateur d'une émission mythique dont on parlera, je pense, le Pop Club, aimait dire que la journée, les auditeurs écoutent la radio alors que la nuit, ils l'entendent vraiment. Alors bien évidemment, on peut entendre, écouter de manière très attentive la radio la journée, mais c'est vrai que les auditeurs qui écoutent la radio la nuit sont souvent vraiment en demande d'une compagnie, d'une voix qui soit avec eux, qui les aide à traverser la nuit. Pour traverser la nuit, rien de mieux qu'une évocation de toutes ces émissions nocturnes. Voici Nuit magnétique, présentée cette semaine par Alain Weinstein et Bruno Sourcy. Je me souviens du fantastique, d'un film fantastique. C'était Les oiseaux, d'Hitchcock. N'ayez pas peur, les oiseaux. Pour oublier le passé et le futur, voici le Pop Club de José Arthur. Pour celle qui a une déchirure au cœur, voici José Arthur. Allonge-toi dans la fourrure. José Arthur. L'azur. Voici le Pop Club de José Arthur. Eh bien, bonsoir, Macha Béranger avec vous jusqu'à 2h du matin. C'est toujours avec grand bonheur que je viens à notre rendez-vous de la tendresse, de la confidence et de l'amitié partagée au 45 24 7000. Allô. Allô. Bonsoir, Macha. Bonsoir. Nicolas, je voudrais déjà dire bonsoir à Macha et à Gildas, à tout le monde de la technique et aussi toute à toutes les personnes qui sont vivantes sur cette planète. C'est dur. Ça fait du monde. Ouais, mais je crois qu'ils le méritent. J'aimerais bien qu'ils nous écoutent tous, mais enfin bon. Ah, faut espérer. Ouvrons la malle au trésor, des archives, des coups de cœur, des cartes blanches, des nuits rêvées. Les nuits de France Culture, c'est maintenant. Très belle nuit en notre compagnie. France Culture, Philippe Garbi. Dix-huit grèves de poubelle que je traîne dans le quartier. Jamais vue plus belle qu'elle dans la cité. Les serveuses du milk bar ou du banana, qu'on dépiote dans le noir au cinéma. C'est des trucs pour la toux, des pastilles, des cachous, bonbons de machine à sous, mais elle pas du tout une super nana, une super. Il fallait bien un petit clin d'œil à Super Nana et à Carbone 14 dès qu'il est question des radios nocturnes magiques. Moi, ce sont mes nuits d'adolescence, Super Nana. C'est le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Louise André avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon. Ah là là, micro de nuit, histoire de la radio nocturne en France, c'est le titre de votre ouvrage, Marine Beccarelli. C'est vrai que dans cette histoire, nous venons d'en entendre des échos avec le pop club, avec Allô Macha. Nous sentons bien que dans ces années 1960, la radio nocturne change un peu, alors peut-être d'ambition et dès lors de forme. Il y a presque quelque chose de plus intime. Tout à fait. Donc à partir de 55, il y a eu Route de nuit qui s'adressait aux conducteurs et aux toutes les personnes qui ne dormaient pas la nuit, mais c'était une radio d'accompagnement. Il n'y avait pas vraiment de dimension encore intime. Et cette dimension apparaît à partir, donc progressivement à partir des années 60, et ça va être encore France Inter, donc Paris Inter qui est devenu France Inter en 1963, et qui crée l'émission Le Pop Club en 1965, une émission qui est diffusée en début de nuit, de 23h à 1h du matin, animée par José Arthur, et qui a la particularité de se dérouler non pas dans un studio de radio traditionnel, mais dans un bar, le bar noir, le bar du Ranelagh, qui est installé dans la maison de la radio, la maison de la radio qui est toute neuve puisqu'elle a été inaugurée 2 ans plus tôt, en 1963, par le général de Gaulle. Et l'idée, c'est dans cette maison de la radio, José Arthur, qui est un comédien de formation mais qui anime depuis quelques années des émissions sur France Inter, il va recevoir à l'heure de la sortie des spectacles des artistes, des personnalités du monde de la culture et leur proposer des interviews dans un climat assez décontracté. Il est assez provocateur, José Arthur. On a un ton qui dénote aussi avec le ton du France Inter de la journée d'alors. Et donc on est dans un cadre décontracté, avec les auditeurs sont invités. Et donc ce bar noir de la maison de la radio devient un des lieux à la mode du Paris nocturne, où on peut venir assister aux émissions, où les invités peuvent consommer de l'alcool dans cette atmosphère un peu feutrée et enfumée du bar. Et c'est aussi un lieu de musique à la mode, puisque le Pop Club, comme son nom l'indique, va diffuser la musique pop, la musique donc pop rock qui vient avec des disques qui viennent directement d'Angleterre et des États-Unis, parfois en avant-première, les collaborateurs du Pop Club vont chercher des disques et pour faire découvrir des nouveaux morceaux aux auditeurs. On a toute une partie de la jeunesse française, mais pas uniquement française d'ailleurs, puisque la radio, encore une fois, la nuit se propage plus loin. Donc on a des auditeurs européens, des adolescents allemands, d'Europe de l'Est ou d'ailleurs, qui écoutent cette émission pour découvrir des nouveaux titres musicaux dans la nuit. Et puis avec ce Pop Club, il y a cet aspect presque d'avant-garde, où nous sommes en marge, nous sommes dans les coulisses, parce que vous l'avez dit, ce sont les artistes qui sortent du spectacle qui arrivent, mais l'aspect très populaire est là aussi. Et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une prise de parole d'auditeur et puis après laisser une star s'exprimer. C'est ce dialogue aussi qui explique le succès de cette émission géniale de José Arthur. Oui, et effectivement, c'est une émission dans laquelle on pouvait entendre donc des vedettes connues, mais aussi des auditeurs, des anonymes. Il y avait un peu un mélange des genres. Et surtout, c'était un peu la place à l'improvisation. José Arthur refusait d'annoncer à l'avance ses programmes et ses invités parce qu'il avait conscience que à cette heure-là, à partir de 23h, en fait, tout était possible et impossible. Les gens pouvaient plus ou moins tenir leurs engagements et il préférait ne pas annoncer que telle vedette allait venir le soir ou la veille au risque de décevoir les auditeurs parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que finalement l'invité en question va être retenu dans une soirée ou ailleurs et ne pas venir. Donc il y avait cette part d'improvisation, les portes qui étaient ouvertes et tout un peu qui pouvait se produire, y compris aussi de la musique en direct. Et ce 14 mai 1968, Salvador Dali viendra-t-il ou viendra-t-il pas ? Salvador Dali, qui est un homme délicat, qui est un homme de goût, est un personnage qui, quand il arrive dans un lieu, ce qui est d'ailleurs assez recherché, assez rare, dit toujours « Je viendrai si il y a des gens intéressants, s'il y a des femmes jolies, et même d'ailleurs, il ajoute s'il y a des êtres jolis, s'il y a des êtres beaux. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, étant donné que vous êtes masqué. » Et je ne peux pas le savoir, et je ne veux pas le savoir. Vous enlèverez peut-être votre masque tout à l'heure, mais je peux dire simplement que sur un collant, vous avez la signature de Salvador Dali à un endroit précis, sur la hanche, et sur la cuisse, vous avez la date. C'est-à-dire que ce collant, maintenant, a une valeur énorme pour vous, parce que c'est un collant que vous garderez toujours. Et vous le montrerez à vos petits-enfants. Un jour, vous ne pourrez plus le mettre pour des raisons peut-être d'embonpoint ou parce que vous ne voudrez pas le sortir de son placard. Est-ce que vous êtes jolie? Je me permets de vous poser cette question car je crois que vous avez un très joli corps, je suis même sûr. Mais est-ce que vous avez un beau visage? Bon, moi, j'en suis sûr. C'est un beau visage. De toute façon, à la radio, nous sommes tous sublimes. D'ailleurs, nous parlons de physique de radio d'Ali dans le Pop Club de José Arthur. Il se passe quelque chose la nuit. Marine Beccaredi, justement, dans ce panorama de la radio, nous parlons beaucoup des chaînes de Radio France, donc France Inter, France Culture aussi. C'est beaucoup plus global, l'histoire de la radio. Il y a d'autres chaînes et... Pour comprendre cette histoire de la radio nocturne, il faut regarder l'ensemble. Il y a un engouement pour la radio de nuit dans ces années 60-70 et encore après les années 80. Tout à fait. Le Pop Club va vraiment inventer un genre. Et la personnalité de José Arthur est très particulière. On l'entend, il parle beaucoup, il a beaucoup d'humour. Il disait qu'il fallait, il avait inventé l'interview monologue parce que parfois il parlait plus que les personnes qu'il interviewait. Mais l'émission va connaître beaucoup de succès et Europe numéro 1, donc radio périphérique, va s'inspirer un peu de ce modèle-là pour créer en 1968 une émission un peu du même style animée par Christian Barbier qui s'appelle Barbier de nuit, qui est un peu pareil sur le même mode avec des invités reçus au même horaire à l'heure de la sortie des spectacles dans une ambiance décontractée. Et dans les années 70, c'est cette même Europe numéro 1, Europe 1, qui va lancer la première émission de dialogue téléphonique avec les auditeurs dans la nuit, qui sera repris ensuite par le service public. Repris par le service public. Vous avez évoqué les personnalités fortes de cette radio nocturne. Oh, évidemment, s'il y a un nom à citer, c'est Béranger, un prénom, c'est Macha. Alors, Macha Béranger, c'est tout de même un drôle de métier que vous faites. Oui, mais c'est un métier très passionnant. Mais est-ce que c'est un métier, j'allais dire, sérieux, entre guillemets? Bien sûr que c'est sérieux, parce que, en fait, je parle avec des gens qui n'ont pas la possibilité de se confier, parce que leur vie est mouvementée, parce qu'ils n'ont pas de temps, et qu'il n'y a personne pour les écouter. Et le soir, on peut parler de tout. C'est pas simplement des problèmes, mais des espoirs, des rêves, des bonheurs, des joies, bien sûr de certaines angoisses, parce qu'il y a, hélas, beaucoup d'appels de gens un petit peu esselés. Et en plus, la nuit est tout à fait propice aux confidences. Et les gens se libèrent davantage que dans la journée. Vous êtes une oreille, en quelque sorte. Je suis une oreille, oui, peut-être. Mais je deviens une amie. Et est-ce que les gens cherchent à vous connaître? Certains n'ont pas du tout envie de connaître le visage de la voix. Et certains, enfin beaucoup, viennent me voir au studio comme une amie que je suis. Comme une amie que je suis, Macha Béranger qui s'exprimait dans le journal de TF1 Actualité Dernière en 1980. Quel succès! Allô Macha, c'est l'émission. Marine Beccaredi, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette émission? Au point d'ailleurs que nous ne savons aujourd'hui s'il y a une voix associée à la nuit, bien souvent c'est Macha Béranger qui est citée. C'est vrai qu'on pense beaucoup à Macha Béranger en premier quand on évoque la radio de nuit. Mais donc, c'était pas la première Macha Béranger, puisque l'émission Allô Macha a été lancée en 1977 sur France Inter. Et elle arrivait 2 ans après le premier programme du genre, qui a été créé en 1975 sur Europe 1 et animé par Gonzague Saint-Brie. Émission qui a existé pendant 5 ans, de 1975 à 80, et qui a un petit peu révolutionné ce monde de la radio la nuit, où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui avait envie d'appeler la radio, qui avait envie de parler à quelqu'un dans la nuit. Donc 2 ans après le début de la ligne ouverte sur Europe 1, France Inter copie ce modèle, entre guillemets, qui avait été créé sur Europe 1, en recrutant cette fois une femme pour animer l'émission. Et donc, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Ben déjà, elle avait une voix, on peut l'entendre, elle avait une voix grave, chaude, enveloppante, et une manière de s'adresser aux auditeurs, qu'elle qualifie donc de ses amis. Elle dit qu'elle est l'amie des auditeurs, elle appelait ses auditeurs la famille des sans-sommeil. Il y a toute une communauté qui s'est créée autour de cette émission. Et aussi, l'émission a une longévité très importante, puisqu'elle a existé de 1977 à 2006. Donc, ça a vraiment eu une très grande histoire, une très grande longévité dans l'histoire de la radio. Et dans les nuits, il y a plusieurs générations d'auditeurs qui ont écouté cette émission avec cette même voix, mais qui d'ailleurs subissait le passage du temps, de la cigarette, puisque quand on écoute des archives des débuts d'Allô Macha et des archives des dernières années, des dernières émissions, on peut voir aussi que comment cette voix est devenue encore de plus en plus grave, rocailleuse, etc. Mais je pense donc que c'est la longévité, cette voix et cette manière de s'adresser, et encore de prendre un peu les auditeurs par la main et de leur tenir compagnie. C'est vrai que nous sommes un peu loin, et c'est cette chronologie que vous faites finement de cette radio la nuit des années 50 qui était une radio d'accompagnement, et vous nous l'avez bien dit, avec une musique un peu joyeuse pour tenir les gens éveillés, les routiers, les boulangers, alors que là d'un seul coup nous sommes dans l'accompagnement, dans l'intime, et la radio la nuit est aussi l'occasion d'innovation, de tester des choses, d'approcher, alors c'est la magie, hein, des nuits magnétiques de France Culture. Elle est formidable, elle bat beaucoup de temps. Elle en fait 8 heures comme ça par jour. Et je vous défie de la prendre à bafouiller. Même à des heures de très grande pointe. Nuit magnétique, bonsoir. Cela aurait pu commencer comme ceci. Je ne viens pas te parler d'amour. C'est presque une dédicace. Mais à qui? Mais vous l'avez peut-être deviné, c'est une émission sur les taxis. Cela s'appelle Taxi, s'il vous plaît. Alors, allons-y. C'est pas tellement que j'ai peur de me faire attaquer, non, mais... Il est 4 heures du matin, nous sommes à Pigalle. Je m'approche d'un chauffeur de taxi, je l'interroge. Cela donne ceci. Ouais, c'est assez souvent. Il y a des clients mieux ici qu'ailleurs? Bah, c'est là qu'il y a un peu plus de monde. Non, à part ça. Comment à part ça? Voilà, c'est là où il y a la population. Les gens de nuit se retrouvent à Pigalle. Les nuits magnétiques de France Culture en 1979. Pas rien, France Culture, pour la nuit. Il s'est passé quelque chose, il y a un son très particulier, France Culture. Marine Beccarelli, c'est vrai que, alors je ne sais pas si ça a eu une incidence sur l'ensemble de la radio, mais en tout cas, les nuits de France Culture ont été remarquées. Oui, les nuits magnétiques, donc ça a été créé en 1978, un an avant l'archive qu'on vient d'entendre, par Alain Weinstein. L'émission n'était pas diffusée au cœur de la nuit, puisque France Culture s'arrêtait à minuit jusqu'au milieu des années 80, mais elle était diffusée tous les soirs de la semaine de 22h30 à minuit. Et c'était vraiment une émission très novatrice et qui n'avait rien à voir avec le France Culture aussi du reste de la journée, où là, c'était des programmes qui donnaient la parole à la fois à des anonymes, dans une forme documentaire, des anonymes, des personnalités, et il y avait une vraie recherche sur le son, sur la musique, sur les ambiances sonores qui invitaient à l'introspection. Souvent, c'était des questions liées à l'intimité, mais pas uniquement, il y avait des thématiques très variées. Et c'est contemporain aussi du début des Radio Pirates, qui d'ailleurs de nombreux animateurs pirates de ces radios clandestines écoutaient les nuits magnétiques, et réciproquement il y avait une influence un peu réciproque, les radios pirates qui ont été beaucoup actives la nuit et qui essayaient justement d'inventer des choses, des formes, de trouver des moyens d'expression un peu nouveaux dans la radio, et la nuit était un moment propice, et les radios pirates profitait aussi de ce moment nocturne parce que c'était plus facile d'échapper au brouillage des autorités la nuit. Mais après 1981, le monde de la radio change complètement. Accompagnement, proximité, l'invention aussi. Mais tout est là pour le succès de la radio la nuit. Pourtant, Marine Beccarelli, où en sommes-nous aujourd'hui de la radio la nuit? Parce qu'il y a moins de radio la nuit aujourd'hui qu'il n'y en a eu par le passé. Oui, alors c'est vrai que dans les années 80, au début des années 80, il y a eu vraiment un bouillonnement de ce qu'on pouvait entendre la nuit à la radio. Toutes les radios se sont mises vraiment à émettre 24 heures sur 24. Et à partir de la fin des années 80, ça a commencé un peu à s'essouffler. Déjà parce que la télévision qui s'arrêtait, les chaînes s'arrêtaient à minuit au maximum, jusqu'à la fin des années 80, ont commencé elles aussi à proposer des programmes nocturnes, bientôt 24 heures sur 24. Donc il y a eu déjà, on peut dire, une concurrence de la télévision. Et finalement, ce bouillonnement, cette nouveauté, cette richesse de la radio de nuit des années 80 va un petit peu s'étioler, aussi parce que les radios libres, le modèle des radios libres va être un peu remplacé par les radios commerciales qui progressivement vont proposer de la musique la nuit, mais aussi des programmes de dialogue, avec, notamment avec les jeunes auditeurs, les adolescents dans les années 90, mais là ça va être des émissions pas spécifiquement nocturnes puisqu'elles sont diffusées dans la soirée, mais les auditeurs adolescents sont dans une position d'écoute nocturne puisque souvent ils écoutent en cachette de leurs parents, ils font semblant de dormir et ils écoutent ces émissions qui parlent beaucoup de sexualité. Et depuis les années 2000, c'est vrai qu'il y a eu un recul encore des émissions donc après minuit pour les adultes, aussi du fait de l'arrivée d'Internet, des podcasts. Et aussi parce que, en fait, les radios cherchant à faire des économies ont pu faire des économies sur la nuit parce que Médiamétrie, donc qui fait les mesures d'audience des radios, ne communique pas au public, ne communique pas officiellement toutes les mesures d'audience qui sont entre minuit et 5 heures du matin. Donc ça fait de ce moment nocturne un espace-temps non concurrentiel et quelque part non rentable pour les radios privées qui ont de la publicité. Et de fait, c'est vrai que la plupart des stations ont délaissé les tranches de nuit. La plupart des stations proposent soit des rediffusions d'émissions de la journée, soit de la musique automatique. Mais France Culture propose encore un programme spécifiquement nocturne avec les nuits de France Culture qui ont été créées en 85, qui propose un voyage à travers le temps, les archives et le patrimoine radiophonique, puisque ce sont des rediffusions, mais des rediffusions d'émissions anciennes. Donc dans la nuit, on peut voyager à travers le temps et à travers l'histoire de la radio sur France Culture. Voilà, avec Philippe Garbi, c'est toujours un véritable plaisir que cette radio La Nuit, qui est toujours présente sur France Culture, qui a disparu un peu ailleurs, mais ce qui reste, et ça c'est toujours superbe, c'est l'histoire de la radio nocturne, micro de nuit, histoire de la radio nocturne, avec une préface de Pascal Horry, auprès universitaire de Rennes. C'est votre ouvrage, Marine Beccarelli. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette histoire et d'avoir aussi provoqué des émotions, parce que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui échangent avec moi évoquent peut-être plus que pour la radio le jour, leurs émotions et leurs souvenirs de la radio la nuit, de Super Nana au Pop Club, en passant par, évidemment, évidemment, Allô Macha. Et là, pour le moment, nous sommes bien de jour, mais peut-être que les gens écoutent de nuit. C'est la magie du podcast et nous retrouvons Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi déportait-on des femmes en Louisiane? Quand vous étiez au lycée, vous avez peut-être étudié Manon Lescaut, le roman de l'abbé Prévost paru en 1731. Il raconte l'histoire mouvementée d'une jeune femme, Manon, condamnée avec d'autres filles de mauvaise vie, comme on disait à l'époque, à la déportation en Amérique. Ce roman éclaire un aspect de notre histoire coloniale peu connu du grand public. Il concerne la politique pénale pratiquée sous l'Ancien Régime et qui fut poursuivie au XIXe et XXe siècle avec les bagnes de Guyane et de Nouvelle-Calédonie. À l'époque de Louis XIV, l'émigration forcée des indésirables dans les territoires d'outre-mer s'imposa comme la réponse au double problème que rencontrait l'État royal. D'un côté, on voulait débarrasser la métropole des mendiants et des vagabonds. D'un autre côté, il fallait trouver le moyen de peupler les colonies, car l'aventure coloniale ne tentait guère les Français. Cette politique pénale connut une recrudescence à partir de 1718 sous l'impulsion d'un aventurier de la finance, dont je vous reparlerai dans une autre chronique, qui s'appelait John Law. À la tête de la Compagnie perpétuelle des Indes, il voulut faire fructifier ses affaires en lançant un ambitieux programme de peuplement et de mise en valeur de la Louisiane. C'est sous son influence que fut adopté l'arrêt du 10 mars 1720, prescrivant d'expédier les prostituées, les mendiants et les vagabonds valides dans les établissements français d'Amérique. À la même époque, le gouvernement prit des mesures pour impulser un important courant d'émigration parapénale. La déportation vers la Louisiane fut présentée comme la solution idéale pour les familles désireuses de se débarrasser de leurs mauvais sujets. L'appel fut largement entendu dans les milieux sociaux les plus divers, puisqu'une multitude de demandes furent adressées au lieutenant général de police pour exiler en Louisiane, on disait alors au Mississippi, tel ou tel proche déclaré incorrigible à cause de son ivrognerie, de sa fainéantise, de son libertinage, etc., etc. Ce fut même parfois un moyen d'écarter un parent dont la part d'héritage était convoitée. C'est dans ce contexte que l'abbé Prévost écrivit Manon Lescaut. Il se serait inspiré de l'histoire de ces femmes de mauvaise vie déportées en Louisiane, mais aussi de celles qu'on appelait les filles de la cassette. De jeunes femmes de bonne famille étaient dotées d'un coffre contenant un trousseau et des deniers pris sur la cassette du roi, puis elles étaient envoyées dans les colonies, notamment en Louisiane, pour épouser de riches propriétaires célibataires. Face aux résistances que provoqua cette politique d'émigration forcée, les autorités engagèrent des énergumènes qu'on appelait les bandouliers du Mississippi. Travaillant à la prime, ils arrêtaient indifféremment toutes sortes de personnes et même des fils de bourgeois. Très vite, la réputation de la Louisiane devint exécrable. Les rafles provoquèrent des émeutes et de graves perturbations sur le marché du travail. Beaucoup de paysans et d'ouvriers n'osaient même plus se déplacer par crainte d'être arrêtés et déportés pour délit de vagabondage. Ces résistances populaires contraignirent les autorités à faire machine arrière. Dès le 9 mai 1720, un arrêt du Conseil de Régence vint interdire la transportation forcée des sujets du roi vers le Mississippi. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Tosiane Vudet, Jeanne Delacroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France où vous retrouvez aussi le pourquoi du courant de Gérard Noiriel.